Desgrieux a préparé une lettre pour Lescaut, mais, craignant d'éveiller les soupçons de Tiberge, il l'a mise dans une enveloppe pour un autre ami qui sera prié de la porter à son adresse. Il demande à Lescaut un pistolet, qu'il est d'ailleurs inutile de charger. Il n'a pas l'intention de tuer quelqu'un. Lescaut, passant pour son frère, le lui apporte. Lorsque je me trouvais muni de l'instrument de ma liberté, je ne doutais presque plus du succès de mon projet. J'avais remarqué que le portier apportait chaque jour, au soir, les clés de toutes les portes supérieures. Ma résolution était de lui prendre ces clés en l'épouvantant avec mon pistolet s'il faisait difficulté de me les donner et de m'en servir pour gagner la rue. J'entrai dans sa chambre et l'ayant tiré l'autre bout posé à la porte, je lui déclarai qu'il m'était impossible de demeurer plus longtemps à Saint-Lazare, que la nuit était un temps commode pour sortir sans être aperçu et que j'attendais de son amitié qu'il consentirait à m'ouvrir les portes ou à me prêter ses clés pour les ouvrir moi-même. Et de peur qu'il n'eût pris envie de lever la voix pour appeler du secours, je lui fis voir une honnête raison de silence que je tenais sous mon juste corps. « Un pistolet ?» me dit-il. « Quoi, mon fils, vous voulez m'ôter la vie pour reconnaître la considération que j'ai eue pour vous ?»« À Dieu ne plaise, » lui répondis-je. « Vous avez trop d'esprit de raison pour me mettre dans cette nécessité. Mais je veux être libre et j'y suis si résolu que si mon projet manque par votre faute, c'est fait de vous, absolument. » J'aperçus les clés qui étaient sur la table. Je les pris et je le priai de me suivre en faisant le moins de bruit qu'il pourrait. Il fut obligé de s'y résoudre. Pendant qu'il s'empressait d'ouvrir, un domestique, qui couchait dans une chambre voisine, entendant le bruit de quelques verrous, se lève et met la tête à sa porte. Le bon père le crut apparemment capable de m'arrêter. Il lui ordonna, avec beaucoup d'imprudence, de venir à son secours. C'était un puissant coquin qui s'élança sur moi, sans hésiter. Je ne le marchandais point. Je lui lâchai le cou au milieu de la poitrine. « Voilà de quoi vous êtes cause, mon père, » dis-je assez fièrement à mon guide. « Mais que cela ne vous empêche point d'achever, » ajoutai-je en le poussant vers la dernière porte. Il nous a refusé de l'ouvrir. Je sortis heureusement et je trouvai à quatre pas Lescaut qui m'attendait avec deux amis suivant sa promesse. Nous nous éloignâmes. Lescaut me demanda s'il n'avait pas entendu tirer un pistolet. « C'est votre faute, » lui dis-je. « Pourquoi me la portiez-vous chargée ?» Cependant, je le remerciai d'avoir eu cette précaution, sans laquelle j'étais sans doute à Saint-Lazare pour longtemps.